L'attente devient trop lourde à porter. La promesse tarde dans le désert. Sarah cherche une solution humaine. Et Agar entre dans l'histoire sans lumière. La douleur se transforme en fuite. Agar s'échappe vers le vide, seule dans la chaleur et la nuit. Mais même dans l'erreur et la fuite, ton regard ne s'éteint pas. Tu es le Dieu qui me voit quand personne ne m'attend. Dans le désert de mes choix, tu restes présent. Tu es le Dieu qui me voit quand je n'ai plus de maison. Tu m'appelles par mon nom, même au cœur de l'abandon. L'ange l'arrête au bord du puits. Il lui promet une descendance. Il lui ordonne de retourner vers une route d'obéissance. Et Agar donne un nom à Dieu, un nom que nul n'osait dire. Le Dieu qui me voit, le Dieu vivant au milieu de ce qu'elle croyait fini. Tu es le Dieu qui me voit. Ton regard me relève encore.